Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen. Et bienvenue donc pour un nouvel épisode de Tout le monde sur vos listes, où on va repartir sur le format en demi-teinte pour un troisième numéro. Et on va donc s'attarder sur les notes de cette chanson, entre autres, qui s'appelle The Hanging Tree, donc l'arbre pendu, et qui est chantée donc par le personnage de Katniss Everdeen dans Hunger Games 3, et qui est une chanson aussi qui fait un certain écho dans Hunger Games 4. Et ça va être l'occasion pour nous de parler de jeux de rôle politique, de parler de rapport à l'image, et d'évoquer aussi à quel point le changement de paradigme en jeu de rôle peut être terriblement intéressant. If we met at midnight in the hanging tree, are you coming to the tree where dead man called out for his love to see? La saga Hunger Games, c'est donc une saga qui parle beaucoup de politique, en évoquant notamment le rapport à l'image, le rapport que l'on peut avoir aux médias, et qui est quelque chose de très présent quand on campe une société dystopique et totalitaire, comme c'est le cas ici. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un support qui, je pense, nous permet de déterminer avec vraiment beaucoup de précision c'est quoi un JDR politique. C'est pas un JDR qui évoque des problématiques politiques, sinon Warhammer 40 000 serait un JDR politique, et je pense que vraiment c'est pas le cas. C'est un jeu qui met en scène des personnages, des entités, des symboles, que sais-je, qui sont portés par une volonté politique. Et la chanson que vous venez d'entendre, donc The Hanging Tree, est un très bon exemple de ce qui fait qu'un contenu est politique ou ne l'est pas. Car Hanging Tree, c'est à la base une chanson que donc chante Katniss au bord d'une rivière pour un peu exprimer sa lassitude par rapport à la violence du monde autour d'elle. C'est une chanson assez triste, assez mélancolique, mais qui n'a vraiment aucune visée politique et qui va justement être utilisée pour donner un sens politique, pour donner une portée et un discours à un message. Quand ce message, à la base, même si tout au final finit par être politique, parce que tout porte une réflexion sur le monde, eh bien là, dans ce contexte-là, ce sont des personnes en particulier qui vont dire et déclarer ce message est politique, ce message porte un sens politique, et ce message soutient ou non une cause ou une façon de voir le monde, une façon de voir l'arbre des possibles qu'on peut envisager dans notre manière de nous construire en société, de nous rebeller contre les institutions, de nous définir nous-mêmes. Ainsi, des JDR qui sont souvent présentés comme assez politiques, en fait, le sont rarement. Typiquement, Shadowrun n'est pas un jeu politique, car leurs personnages ne portent absolument aucun message politique. C'est même peut-être sûrement l'un des jeux les plus apolitiques qu'on pourrait envisager. Un jeu comme Eclipse, malgré toutes ses réflexions métaphysiques, ne met pas clairement en avant, ne serait-ce que sur sa fiche de personnage, un message politique dans le sens où quelqu'un va essayer de défendre sa vision du monde. Un jeu comme Shan, qui pourtant a plein de réflexions a priori politiques autour de peut-être de la notion de colonisation, autour de la notion d'impérialisme, n'est absolument pas politique, car leurs personnages, les acteurs principaux de ce jeu, ne défendent aucun message politique. À aucun moment, il n'est mis en avant via ce qu'on pourrait appeler le paradigme du personnage, le fait que le personnage défende une vision particulière du monde. Et le fait que ce soit présent dans le background, par exemple, potentiellement, ne servira pas davantage à émettre un message politique si dans ce qui est proposé de jouer, via un scénario, via les objectifs du personnage, via des mécaniques du jeu, si on ne met pas en avant dans ces éléments une volonté d'avoir un message politique, eh bien, la politique sera absente du jeu. Elle sera absente Parce que le jeu ne met pas en lumière, ne met pas en avant la volonté d'exprimer un point de vue qui est fondamentalement politique, c'est-à-dire qui veut réfléchir à la manière dont on envisage le monde. Le fait que ces réflexions puissent apparaître de manière annexe et n'est juste qu'une preuve supplémentaire que ce message n'est pas politique, c'est-à-dire que le sujet de la politique n'est quelque chose de secondaire et que ce qu'on nous propose de jouer, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Et en l'occurrence, ce n'est pas un jeu de rôle politique. C'est un jeu de rôle qui propose de faire telle chose, X, Y ou Z, et qui a de manière un peu plus lointaine, éventuellement, si possible, un message politique. Mais ce n'est pas un JDR politique. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Mais alors la question à se poser en fait, c'est de dire bah, comment on fait un message politique, comment on le met vraiment en lumière et comment on l'estime porteur. Alors je pense qu'Hunger Games a plusieurs réponses à ça. Alors c'est des réponses qui peuvent être assez convenues, mais qui sont très bien amenées dans les deux films 3 et 4, qui sont assez flagrantes et surtout qui sont suffisamment, vu que c'est un film d'action, elles sont suffisamment, ces propositions sont suffisamment émises simplement pour qu'on puisse les décortiquer assez facilement. L'un des premiers aspects d'Hunger Games 3, 4, et même le 1 et le 2, mais c'est vraiment flagrant dans le 3 et le 4, c'est de travailler son rapport à l'image et de réfléchir à une nuance, une notion qui est très importante, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que le monde me demande de montrer et qu'est-ce que je suis au fond de moi. Et d'essayer de jouer sur cette nuance qui est très importante. C'est quelque chose qui avait eu l'intelligence d'au moins tenter de faire Vampire, la mascarade, et donc ces différentes itérations, c'est d'apporter deux notions, deux nuances, que sont la nature et que sont l'attitude. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je montre aux autres. Et je pense vraiment que c'est un élément absolument déterminant. Dans le fait de mettre en place un schéma qui soit fondamentalement politique. Et c'est là où, pour moi, Vampire a encore une fois raté son sujet. C'est que le fait de mettre en parallèle un personnage dans ce qu'il peut avoir d'ordinaire et de futile, et au contraire, un personnage dans sa capacité à produire quelque chose sur le monde, quelque chose qui est impactant pour une société donnée. Que cet impact soit réel ou supposé d'ailleurs. Eh bien, cet aspect-là est fondamentalement politique, car ça va parler de normes, de comment elles sont régies, de comment elles construisent la société, et en quoi ça va rebondir sur qu'est-ce que les individus sont réellement. Et qu'est-ce que la société va faire pour laisser de la place à ça? Pour au contraire le contraindre ou s'y opposer, et à quel point, d'un autre côté, l'identité va impacter sur la manière dont cette société se construit. Car en fait, parler de vie quotidienne, parler d'anodin pour un personnage qui souvent est porté par des enjeux forts dans un jeu de rôle, enfin dans une grande partie de jeu de rôle, c'est ça, ben ça va être fondamentalement politique. Dans Hunger Games 4, d'ailleurs, c'est vraiment un point d'orgue de cette histoire. Ce qui est très intéressant, notamment avec une figure du héros qui est un peu plus moderne et qui est vraiment portée par la saga Hunger Games, c'est que Katniss n'a jamais souhaité être une héroïne. Elle n'a jamais souhaité sauver le monde, elle n'a jamais souhaité changer les choses. Elle vit dans un monde très difficile. Mais elle voulait juste sauver ses proches, elle voulait juste protéger les gens qu'elle aimait. Et jamais elle n'a souhaité s'embarquer dans un combat politique réel. Et c'est quelque chose de très important, je pense, quand on cherche à faire un jeu de rôle politique. C'est que, par exemple, on va jamais faire du jeu de rôle politique en faisant du House of Cards. On fait du jeu de rôle de management, on fait du jeu de rôle de différents groupes de pression qui s'opposent, on fait un jeu de rôle qui est économique, un jeu de rôle qui est compétitif, mais c'est pas un jeu de rôle qui est politique. Ce qui est très caractéristique du jeu politique, c'est que les personnages les plus acteurs de ce combat politique sont bien souvent complètement dépolitisé, en fait. Parce que l'impulsion, la flamme qui va rendre le personnage politique va être circonstancielle à cette confrontation entre ce qu'il est et ce qu'on lui demande d'être. Et à quel point ça va s'opposer, et à quel point, au bout d'un moment, ça va faire une étincelle qui fait que tout va s'embraser. Et c'est d'ailleurs, je pense, pas un hasard. Si le deuxième chapitre des films Hunger Games s'appelle L'embrasement, bah, parce que c'est le moment où l'étincelle apparaît et où tout s'enflamme tout d'un coup. Où une identité a trop été niée, une identité a trop été étouffée par une force extérieure, et où la flamme politique va s'animer, parce que les gens veulent crier avec toute la force possible. Je suis moi, je veux être moi, je suis ça, et tu ne m'en empêcheras pas. I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Un autre élément qui m'avait semblé très intéressant dans Hunger Games, c'est à quel point il y a un usage, alors pas forcément très fin pour le coup, non, mais un usage assez instructif de ce qu'on pourrait appeler le changement de paradigme. C'est-à-dire de quelle manière on peut avoir, en tant que spectateur, mais aussi en tant que personnage, de quelle manière on peut avoir une vision très différente des choses. Car si le jeu de rôle politique, c'est la volonté de défendre ardemment une vision du monde, cette vision du monde peut changer, en fait. Elle peut changer, elle peut changer par le biais de plusieurs éléments. Et à chaque fois, ça va être un changement de paradigme assez fort. Le délire principal autour d'Hunger Games 3, par exemple, c'est d'avoir un changement de paradigme très fort par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on a autour de nous. En fait, Katniss va se retrouver dans une situation où la manière d'envisager les forces en présence, la manière de percevoir les pouvoirs et leurs forces, et éventuellement les contre-pouvoirs qui peuvent apparaître, va lui faire prendre conscience de tout un tas de choses, en fait. Et Katniss va profondément changer dans son arc narratif, tout simplement parce que les forces en présence changent autour, parce que son environnement change, et parce que ce qu'elle est, ce qui la constitue, va changer de facto parce qu'elle va s'inscrire dans un environnement qui est très différent, et dans un environnement qui va avoir des attentes fortes par rapport à elle. Ainsi, comme je pouvais un peu le dire précédemment, c'est l'un des éléments très marqueurs du JDR politique, c'est il faut d'une manière ou d'une autre, que ce soit sous l'impulsion d'un personnage ou par le biais d'un décor qui va se construire organiquement autour, il faut que ton environnement donne un sens, donne une portée politique à tes actes. C'est-à-dire non seulement toi, il faut avoir une volonté politique, mais il faut que les autres l'attestent, que cet acte est politique. Il faut que tu sois soutenu, faut que tu sois appuyé, il faut que tu sois validé, que ce soit par le biais d'un antagonisme ou d'une approbation autour de toi. Il faut qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, oui, c'est ça, une véritable validation de cet acte politique, où les gens pointent du doigt et disent, ceci est un acte politique, ceci est un acte révolutionnaire, ceci est un acte qui va questionner le monde. Are you coming to the tree? Wear a necklace of hope side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to... Donc, je parlais du changement de paradigme, mais pour moi, il y a deux types de changement de paradigme. Hunger Games 3 et 4 sont de formidables illustrations de ça. C'est-à-dire qu'on a le changement de paradigme dans Hunger Games 3, où l'environnement autour du personnage change fondamentalement, les forces en présence sont bousculées, Le rapport du personnage au monde est bousculé, sa possibilité d'action est complètement retournée, quoi. Mais il y a un autre changement de paradigme qui est également un changement de paradigme très présent dans un jeu qui pour moi est fondamentalement politique et dont le délire du jeu tourne autour de ça, qui est le jeu qui s'appelle Les Sauveurs de Laurent Deverney et qui va se baser justement un peu comme du coup Hunger Games 4 sur un changement de paradigme mais qui est lié aux perceptions des personnages. C'est-à-dire le monde autour de lui n'a pas changé, il est tel qu'il a toujours été en fait. Il est tel qu'il a toujours été, mais sa perception du monde, sa manière d'émettre des jugements de valeur, sa manière de se rattacher à ses propres valeurs et à ce qui lui semble important et éthique pour lui, va complètement changer. Ainsi, dans Hunger Games 4, le personnage va être amené à questionner la manière dont la cause, en l'occurrence la résistance, qu'elle soutient, mène son combat. Et je pense que c'est l'un des éléments fondamentaux du JDR politique, qui est que, à un moment donné, l'environnement va évoluer, qui va permettre au personnage de s'affirmer politiquement, de mener des combats, de mener au bout ses idées. Et puis, quand ces idées vont se concrétiser quelque part, de quelque manière qu'elles puissent se concrétiser d'ailleurs, mais à partir du moment où elles vont se concrétiser, on va être face à des éléments qui vont changer nos perceptions et qui vont questionner nos luttes, qui vont questionner la manière dont on les mène. Et c'est exactement ce que fait Hunger Games 4, en fait. On a beaucoup reproché, j'ai cru comprendre d'ailleurs que Hunger Games 3 et 4 faisaient partie d'un seul et même livre, qu'on a découpé en deux films. Mais ce que je trouve absolument génial dans ces deux films, au-delà du fait d'être un bon film d'action avec un personnage féminin badass, ce qui est assez rare, bah, c'est qu'on a un découpage très net entre le changement de notre environnement et une étape qui vient souvent après dans le jeu politique, dans le combat politique en général, qui fait qu'on va questionner nos propres actions et les actions de notre groupe, les actions des personnes qui nous soutiennent. Et l'un ne va pas l'un sans l'autre, je veux dire. C'est parce qu'il y a eu une étape avant qu'il peut y avoir cette étape après, qui va approfondir les questionnements qu'on peut se poser autour d'une idéologie politique. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet. Alors du coup, encore une fois, vous aurez certainement pas appris grand-chose sur Hunger Games 3 ou 4. Après, ce sont vraiment des films qui incitent pas mal au spoil, donc j'ai préféré rester sur un côté plus abstrait, sur ce qui m'avait intéressé dans ce que je pourrais défendre en tant que JDR politique. J'espère que ça vous aura aussi potentiellement donné des outils, en fait, pour incarner du politique, pour jouer du politique, pour donner forme à des personnages qui sont extrêmement politisés, en tout cas qu'ils mettent en avant. Et j'espère aussi que peut-être, ben, de temps à autre, ça vous amènera à vous-même aussi vous politiser, et ça peut commencer d'ailleurs par une table de jeu, quoi. En remettant en cause l'autorité d'un meneur de jeu, en remettant en cause des règles qui sont censées bien marcher et tourner au poil de cul, mais qu'on n'a pas forcément toujours envie de soutenir parce que c'est pas forcément ce qu'on cherche à cet instant présent, de remettre en question un background peut-être parfois un peu trop cadré qui mérite d'être perçu et interprété. Enfin voilà, j'espère que ça vous a fait réfléchir sur différentes choses. Moi, je vous dis à très bientôt. Le mois de décembre risque d'être assez chargé au niveau des podcasts et j'espère que ça vous apportera plein de choses intéressantes avec sûrement quelques surprises en perspective. Strange things that happen to you.